Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa rubrique du jeudi matin, sa chronique plutôt du jeudi matin sur RGM, en vous renouvelant bien sûr mes voeux pour la nouvelle année 2019. Et cette chronique, je l'ai intitulée « Les médias et les réformes Macron ». Le mouvement des Gilets jaunes se plaigne du manque d'objectivité des médias à leur égard. Les Gilets jaunes n'ont certainement pas tort sur le fond, mais encore faut-il distinguer le fond et la forme. Certes, les médias ont montré la lutte que menaient les Gilets jaunes, sans pour autant la dénigrer, mettant en avant davantage de côtés sensationnels, voire émotionnels, mais réduisant les revendications issues du mouvement du 17 novembre à de simples demandes ayant pour origine les taxes, en particulier celles sur les produits pétroliers. Il fallait donc, dans un premier temps, du moins, pour la presse et la télévision, mettre en exergue les revendications les plus visibles et les plus tangibles, dans une volonté d'information partielle et donc forcément partielle. Alors que dès le départ du mouvement Gilets jaunes bien sûr, il y avait un ras-le-bol de la politique Macron, de ceux qui le servaient, et même une méfiance vis-à-vis des partis politiques qui ne voulaient ni ne pouvaient représenter une large majorité de la population qui s'estimait plus ou moins spoliée par un gouvernement au service des riches et qui méprisait les petites gens. Ce qualificatif « petites gens » bien sûr étant dans mon esprit entre guillemets puisque ces classes sociales inférieures qui constituent véritablement le peuple français qui souffre de ne pas y être représenté. Citoyens qui ne votent plus, déçus de la politique, ou pire encore, qui ont rejoint l'extrême droite, davantage par dépit que par conviction. Il est vrai que c'est également le cas dans de nombreux pays d'Europe et que le fascisme connaît une recrudescence d'autant plus inquiétante qu'il est minimisé par les médias qui le qualifient de populisme, pour le dédiaboliser et le rendre attractif pour les électeurs. J'ai déjà déploré cette situation et le positionnement des médias dans de précédentes chroniques. Je n'y reviens pas davantage. Mais je voudrais revenir, cette fois-ci, sur le rôle joué par les médias dans ce conflit hors norme des Gilets jaunes. Après avoir minimisé les revendications, les médias ont bien été obligés de constater le côté révolutionnaire, original du mouvement et la détestation du gouvernement Macron, considéré à juste raison comme un adversaire, par ailleurs peu représentatif du peuple français. Mais les médias n'ont jamais ou presque jamais analysé objectivement les conséquences sur le peuple des réformes Macron. Le côté essentiellement négatif sur la vie du plus grand nombre des citoyens de ce pays. Il ne fallait pas, pour ces mêmes médias, critiquer un gouvernement qui allait dans le sens d'un pouvoir économique qui lui-même ne manque pas d'influer directement ou indirectement la presse, l'audiovisuel, la télé. À l'exception, bien sûr, de RGM, notre radio locale, qui conserve sa liberté pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas souvent ou pas du tout, dont l'expression est réduite, souvent par les médias, filtrée ou ignorée de la plupart des médias, y compris localement. S'agissant des réformes Macron, il est particulièrement tendancieux de déclarer, comme le font des journalistes ou des présentateurs de télé, que Macron a hérité d'un mécontentement généré par les réformes des gouvernements précédents. C'est là encore déformer la réalité, puisque ce que les gouvernements précédents n'avaient pas osé faire, Macron l'a réalisé, au-delà même des espérances du pouvoir économique. Macron, grâce à sa com, bien relayée par les médias, a pris les mesures pour que ces réformes aboutissent rapidement. Il serait facile d'oublier que l'homme qui se voulait l'ennemi de la finance, c'est-à-dire François Hollande, reniant tous ses engagements, a appelé au pouvoir Macron et Valls, qui ont entrepris des réformes antisociales et creusé davantage d'inégalités entre les nantis et la majorité des citoyens. Hollande en a payé le prix. Valls a rejoint la Catalogne, dans laquelle il entend sévir, espérant qu'il ne détruise pas l'idéal de gauche comme il s'est ingénié à le faire en France. Examinons sans concession les réformes signées depuis le début Macron et consorts, mesures prises par lui et ses comparses sous le gouvernement Hollande, puis sous sa propre égide. Les lois travail, bien sûr, ce n'est pas limitatif. Les lois travail numéro 1 puis numéro 2. Même la première était d'inspiration macronienne. La deuxième, qualifiée d'XXL, à juste raison, par la CGT, faisait pièce à des pans entiers du Code du travail et réduisait considérablement les droits des salariés, facilitant en particulier les licenciements économiques et même les licenciements individuels. Précarisant l'emploi en banalisant et facilitant les CDD à répétition, réduisant de manière drastique les emplois aidés, réduisant le contre-pouvoir des représentants du personnel et des syndicats, privilégiant le niveau de l'entreprise, c'est-à-dire le bon vouloir du patron, pour la négociation pour la plupart des conditions de travail et de salaire. C'était un formidable bond en arrière par rapport aux droits acquis des salariés depuis les années 70. La réforme des conseils de prud'homme prise par Macron, toujours lui, sous le gouvernement finissant de Hollande, s'est révélée une véritable restriction d'accès à la justice des salariés. Macron a diminué les allocations logement et n'a rien fait pour endiguer la hausse des loyers, ou si peu de choses, du gaz, de l'électricité, qui touchait les plus modestes de nos concitoyens. Macron a supprimé l'ISF, sur ce que l'on peut qualifier, de plus-value, favorisant encore davantage la spéculation et la fraude fiscale. De moins en moins réprimée, cette fraude fiscale, puisque la chasse à l'évasion fiscale a été minorée, ce rapport réduit de moitié sous Macron. Il est vrai que Macron, poursuivant et aggravant la politique sarkozienne, a supprimé et veut encore supprimer de nombreux emplois dans l'administration fiscale, également dans les DGCCRF, afin que les consommateurs soient moins protégés. Macron a donné le feu vert pour faire aboutir le projet BUR d'enfouissement des déchets nucléaires et réprimer sauvagement les militants antinucléaires du site. Macron, toujours lui, a fait voter des lois sur l'immigration qui renforçaient notablement la répression envers les migrants, instituant un délit de solidarité envers ceux qui aident ou hébergent des migrants. Au point de vue des libertés démocratiques, Macron, encore lui, a fait voter une loi, adoptée à une large majorité, une loi dite du secret des affaires, qui est liberticide et risque de pénaliser les lanceurs d'alerte et autres syndicalistes, sous le motif peu crédible de garantir les intérêts des entreprises, y compris, faut-il en douter, dans leur pire magouille. Des lois dites antiterroristes permanentes prises par Valls ou Macron ont eu pour but essentiel de restreindre les libertés et de donner davantage de pouvoir aux appareils répressifs, bien au-delà de lutter contre le terrorisme. Si on ajoute à cela la lâcheté du gouvernement Macron de lutter contre les pesticides, dans l'objectif de réduction pris sous Hollande, objectif qui a été battu en brèche, comme chacun sait. L'augmentation programmée des prix des carburants, qui a pour seul objectif de remplir les caisses de l'État pour compenser les largesses faites aux entreprises, 42 milliards de CICE, y compris celle du 440, et l'abandon de l'ISF déjà évoqué, et d'autres mesures, toutes plus nocives les unes que les autres, comment ne pas comprendre l'hostilité des Gilets jaunes et d'une majorité de la population envers Macron et les médias. D'autant plus que le pouvoir d'achat baissait pour les plus modestes. Celui-ci continuant, Macron, bien entendu, à se vanter d'entreprendre d'autres réformes qui vont s'avérer tout aussi négatives que les précédentes, celles de l'assurance chômage et des retraites. Mais il aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Et je souligne quand même que la plupart du temps, les médias n'ont jamais rappelé, si on veut, la nocivité des réformes qui ont été entreprises sur la plus grande partie de la population, en particulier les salariés et les retraités. Ah, parce qu'il faut voir aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais ma liste n'était pas exhaustive. Bien sûr, la CSG sur les retraités, pourtant de retraite modeste. Voilà de quoi méditer, avec les gilets jaunes en ce début du mois de janvier. Et puis bien sûr, prendre rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.